You're not ready. No matter what you feel should be, what state of mind you're in, for this is a plan that you're not in charge of. You hear the words from your mind saying. Si tu viens du ciel, de quelle planète es-tu? Ah, je me réveille à peine. Je te demande pardon. Que tu es beau, et je te devine plus fragile encore. Tu comprends? c'est trop loin, c'est trop lourd. Mais que fais-tu de toutes ces étoiles? Thank you. Dieu m'aime.